même pour sentir qu'il s'effondre, même s'il n'y croit plus comme un... Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guimauzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 19 octobre, nous souhaitons une bonne fête au René, ça vient du latin signifiant renaître. Doux et sécurisant, agréable et charmant, René est un homme séduisant, au charme discret, non dépourvu d'une certaine aura de mystère. Il cherche à plaire et à être dans les grâces d'autrui, et cela peut se traduire tant par le souci de son apparence raffinée que par un besoin de séduire. De même, il est fortement concerné par son environnement familial avec lequel il ressent le besoin d'être en harmonie, quitte à donner de sa personne. Il excelle lorsqu'il se met dans la position de celui qui console, soutient ou prend en charge. Il est de ceux que valorisent les responsabilités. Toutefois, si sa famille n'a pas privilégié l'échange et contribue à le rendre narcissique et à l'infantiliser, il peut très bien prendre le chemin inverse, celui de l'égoïsme et de la non-prise en charge de lui-même. René est souvent perfectionniste et parfois maniaque, même si cette tendance ne s'exprime pleinement que dans certains domaines de prédilection. Pour l'un, ce sera d'apporter un soin particulier à son habillement. Pour l'autre, cela se traduira par des scrupules plus ou moins étouffants à l'égard de sa famille vis-à-vis de laquelle il se sent des obligations. Ces exigences peuvent s'exercer dans la sphère professionnelle où il ne se permet aucune faille, se montrant même vis-à-vis d'éventuels collègues ou subalternes particulièrement exigeants et autoritaires. René est indépendant, épris de nouveautés et amoureux du changement. Sa nervosité est grande et s'exprime par le besoin de se mouvoir, par le goût des voyages, de la vitesse ou des remises en question. Il est attiré par l'aventure et cela peut provoquer un itinéraire un peu anarchique et agrémenté de nombreux virages. Son activité est inégale et intimement lié à sa motivation. Il aussi entre hyperactivité, laisser aller et paresse. Dicton du jour, à la Saint-René, couvre ton nez. Pour la Saint-René, des vêtements chauds, tu remets. Pas de célébration internationale aujourd'hui et ça s'est passé un 19 octobre en 1939 en France. C'était la fondation du CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec le chanteur George McCrae, connu pour le titre Rock You Baby, qu'on écoute tout de suite. Thank you. Georges Macrae sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 19 octobre 1940, naissance de Michael Gambon, acteur irlandais vu dans Gosford Park, connu pour son rôle d'Albus Dumbledore dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'ordre du phénix, Harry Potter et le prince de sang-mêlé et Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et partie 2, et vu également dans le film Le discours d'un roi dans le rôle de George V. 1944, naissance de George Macrae, chanteur américain. 1945, naissance de John Lithgow, acteur, producteur américain, vu dans Obsession, Blowout, Confession d'une accro du shopping, La planète des singes et les origines dans le rôle de Charles Rodman, 40 ans, Mode d'emploi ou encore la série télé Dexter dans le rôle d'Arthur Mitchell, alias le tueur de la Trinité. C'est également l'année de naissance de Janie Riley, chanteuse américaine de musique country. 1956, naissance de Thierry Beccaro, animateur télé français, présentateur de Motus depuis 1990. Il est également comédien de théâtre. 1964, naissance d'Agnès Jaoui, actrice réalisatrice française, vue dans On connaît la chanson dans le rôle de Camille, récompensée par le César de la meilleure actrice dans un second rôle, scénariste, co-scénariste du film Smoking, No Smoking, récompensée par le César du meilleur scénario original ou adaptation, Un air de famille, César du meilleur scénario original ou adaptation, On connaît la chanson, César du meilleur scénario original ou adaptation, Le goût des autres, récompensée du César du meilleur scénario original ou adaptation, réalisatrice du film Le goût des autres, récompensée par le César du meilleur film. 1969, naissance de Trey Parker, réalisateur américain connu pour être le co-créateur, réalisateur et principal scénariste de la série animée South Park. 1981, naissance d'Heikki Kovalainen, ancien pilote de Formule 1 finlandais, 111 courses, 4 podiums, 1 victoire. 1984, naissance de Jérémy Chatelain, chanteur français, découvert dans la seconde édition de la Star Academy. 1986, naissance d'Alexis Contin, patineur de vitesse français, récompensé au championnat du monde simple distance par une médaille de bronze. En 1943, décédée Camille Claudel, sculptrice française. En 1999, décédée Nathalie Sarraute, femme de lettres française. Et en 2009, décédé Joseph Wiseman, acteur canadien, célèbre pour avoir incarné Julius Snow, le méchant du tout premier film de James Bond adapté au cinéma. C'était James Bond 007 contre Dr. No. On marque tout de suite une pause musicale avec Jenny Riley et son titre pour lequel elle est notamment connue, Harper Valley PTA. Johnson, you're wearing your dresses way too high. It's reported you've been drinking and or running around with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall the words she had to say. She said, I'd like to address this meeting of the Harper Valley PTA. Well, there's Bobby Taylor sitting there, and seven times he's asked me for a date. Seems to use a lot of ice whenever he's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Gwyneth Jones be told to keep her window shades off or completely down? you'll smell Shirley Thompson's breath. You'll find she's had a little nip of gin. And then you have the nerve to tell me you think that as a mother I'm not fit. Well, this is just a little Peyton place, and you're all Harper Valley hypocrites. No, I wouldn't put you on because it really did. It happened just this way. Jenny Riley sur le 107 FM, un peu plus de 8h42, on se dirige tout doucement vers la météo. La météo. Alors ce matin, il y a du brouillard et dense par endroits, donc soyez très vigilants. Celui-ci va se dissiper au fil de la journée pour nous laisser une journée ensoleillée. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 19 et 21 degrés pour cet après-midi. Nous aurons un très beau week-end ensoleillé. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés demain matin, entre 18 et 20 degrés pour demain après-midi. Et pour dimanche, des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin et entre 17 et jusqu'à 19 degrés prévus pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo. On passe maintenant à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le tennis à Anvers. Le duel franco-français entre Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga a tourné en faveur de Gaël Monfils qui s'est imposé en 3-7, 6-4, 3-6, 6-4. Avec cette défaite, Joe Wilfried Tsonga sort du top 100 mondial. C'est une première depuis 11 ans. On le rappelle, hein, il revient de blessure. En programme d'aujourd'hui, Gilles Simon affrontera Schwartzmann, Richard Gasquet sera opposé à Struff et Gaël Monfils à Pospisil et à Moscou. Hier, l'élimination d'Herbert en 2-7 face à Seppi, 7-6 et 7-6. Aujourd'hui, Manarino affrontera Gerasimov. Un mot de basket en NBA. Cette nuit, l'équipe de Washington de Miami s'est inclinée d'un petit point, 112 à 113 face à Miami. 3 points pour le joueur français. Au programme du côté de chez nous, ce week-end en Pro B, ce soir, Nancy se déplace à Caen. En National 1, samedi, le Jet Vosges se déplacera à Souffelweyersheim et en National 3, Mirecourt se déplacera à Massy. En football, c'est la reprise de la Ligue 1 dès ce soir avec l'affiche Lyon-Nîmes. Samedi, le Paris Saint-Germain recevra Amiens, Caen, Guingamp, Dijon, Lille, Nantes, Toulouse, Reims, Angers et Strasbourg, Monaco. Ce sera le premier match de Thierry Henry en tant que coach de Monaco. Dimanche, Montpellier recevra Bordeaux, Saint-Étienne, Rennes et enfin, on terminera cette journée de Ligue 1 avec Nice, Marseille. En Ligue 2, ce soir, Metz reçoit Niort et Nancy reçoit Grenoble. En National 2, samedi, Épinal recevra le club de Croix. En National 3, Thaon-les-Vosges recevra l'équipe de Sarre-Union. Et dimanche, Rennes-l'Étape se déplacera à Mulhouse. Un mot de hockey sur glace. L'Épinal Hockey Club, entendu hier par le tribunal d'instance, a vu sa période d'observation prolongée de 6 mois. C'est une bonne chose pour le club Spinal qui, dans sa journée de Détroit, samedi, se déplacera à Reims. Et on termine avec de la Formule 1 ce week-end. C'est le Grand Prix des États-Unis. Et d'ailleurs, Lewis Hamilton peut être sacré champion du monde dès ce week-end. Ça serait son cinquième titre mondial. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Jérémy Châtelain et le titre « Laisse-moi ». Laisse-moi les larmes sur mon visage, t'en prie, laisse-moi. Si notre amour fait naufrage, ça ne changera pas le monde autour de moi, alors laisse-moi. Laisse-moi te dire qu'il fait froid dans les rues, que la misère n'a plus d'espoir, que nos vies sont déjà perdues. Si tu viens près de moi, comme dans tous nos souvenirs, sache que ça ne changera pas tous les malheurs et même le pire. Allongés ensemble, je me ferai violence. Les aiguilles tournent, les gens se lassent, bien indifférents. Laisse-moi, les larmes poussent sur mon visage, tant pis, laisse-moi. Si notre amour fait naufrage, ça ne changera pas le monde autour de moi, alors laisse-moi. Laisse-moi, si les larmes blessent mon cœur, tant pis, laisse-moi. Si j'ai peur, si je tremble et si j'ai froid, c'est que je sais que rien ne changera. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi, les larmes poussent sur mon visage, tant pis, laisse-moi. Si notre amour fait naufrage, ça ne changera pas le monde autour de moi, alors laisse-moi. Laisse-moi. Les larmes laissent mon cœur, tant pis, laisse-moi. Si j'ai peur, si je tremble, si j'ai froid, c'est que je sais que rien ne changera. Jérémy Châtelain et le titre Laisse-moi sur RGM. Il est presque 8h50 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien, on va faire un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h, ce sera Ours et Carotte. À 10h30, ce sera la Messe du Toli avec l'émission Plus belle la vie. 13h30, la rediffusion de la chronique Les secrets de Mathilde. 14h, Jim et je vous le lis avec Dominique. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. 18h, l'heure des loups avec Lou qui nous parle des sorties du week-end. À 21h, ce sera Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve eh bien à lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.